franceinter.com. C'est la plus grande perte en vie humaine subie par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983. Rappelez-vous, c'était en 2004, le 6 novembre exactement. Ce jour-là, à Bouaké, en Côte d'Ivoire, un camp militaire de la force Licorne est bombardé par un appareil appartenant aux forces ivoiriennes. 9 soldats français et un citoyen américain travaillant pour une ONG sont tués. On compte aussi de nombreux blessés. L'attaque semble inexplicable. La force Licorne, placée sous le parapluie de l'ONU, est une force d'interposition entre les rebelles du Nord et l'armée ivoirienne. Elle n'est donc pas partie prenante du conflit armé qui oppose les deux camps depuis 2002. Au contraire, elle est en principe chargée de veiller à l'application des accords de paix signés l'année précédente en France. Alors, comment expliquer ce bombardement meurtrier? S'agit-il d'une bavure, comme le prétendra bientôt le gouvernement ivoirien du président Gbagbo? Ou bien y a-t-il eu une volonté délibérée de tuer des soldats français? Et dans ce cas, pourquoi? Ce ne sont pas les seules questions suscitées par cette affaire où Paris semble avoir été piégé. Il y aura par exemple l'étrange libération par les forces françaises des pilotes mercenaires qui étaient au service des forces ivoiriennes. Exactement comme si on n'avait pas voulu découvrir la véritable identité des donneurs d'ordre. Une fois de plus, est-ce la raison d'État qui a prévalu? Monsieur X essaie d'y voir plus clair et livre quelques vérités dérangeantes. Même le maître des lieux, Émile Bogadoudou, le maître du gouvernement, y a Kekou. Okeke yugbli nu kena weli ni mi o yeah. Eh bon boabri ne touche pas mon pays Asaya oh. Ne touche pas ma patrie la Côte d'Ivoire. Ne touche plus à ce pays Asaya oh. Ne touche plus à ce pays là. Charles Dibi, David Monceau, en vit la souffrance. Aïe, c'est guerre. J'ai vu la guerre au Rwanda, au Libéria, j'ai vu la guerre en Angola. Aïe, c'est l'Afrique a tué ses enfants en se soumettant au jeu de l'Occident. D'à côté, Christian, à vous nos hommes politiques, le pays n'est pas la boutique où on vient acheter des articles. Évitons le désordre. Aïe, c'est à cause de vos intérêts, les enfants meurent sur le terrain. Nos pauvres parents, ils sont innocents, je vous ferai tous président. Aïe, c'est un fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Abbas Diané, Tonga Bey. Aïe, c'est que les tirer libéré, Bouaké, ne vous trompez pas, j'irai à Koroko. J'irai libéré, Bouaké, ne vous trompez pas, je suis armé des dialogues. Puis au cercueil, je n'ai même pas de lance-roquette, pas de char de conquête. En lieu place des obus, j'irai droit au but, j'ai pris le bus de la paix. Toi le frère assaillant, tu peux tuer 1000 personnes. On est 10 millions de personnes mobilisées, galvanisées, couvre-félisées, coup de tamisées, c'est ça qui est la vérité. Yeah. Contrairement à ce que vous redoutez sans doute, je ne veux pas remonter trop loin dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a longtemps été le vaisseau amiral de la France-Afrique. Le pays le plus riche de l'Afrique francophone et un modèle de stabilité sous la présidence très autoritaire d'Oufouette Boigny. Mais ça commence à se gâter avant même la mort du vieux, comme on l'appelle là-bas. En réalité, les premières vraies fissures apparaissent dès 1990. De jeunes manifestants défilent dans Abidjan en criant « Oufouette voleur, Oufouette corrompu ». On n'avait encore jamais entendu de tels slogans. Mais il faut dire que la situation économique de la Côte d'Ivoire est alors désastreuse. Oui, à cause de la crise du cacao et puis de la chute des cours mondiaux. Oui, ce qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, provoque alors son effondrement. Le pays est au bord de la banqueroute. Et ça explique tous les désordres qui vont suivre après la disparition de Fouette. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, car nous en avons déjà parlé dans le détail il y a quelques années. Il faut toutefois dire, quand même, que le cacao, principale ressource naturelle de la Côte d'Ivoire, est au centre de tous les événements qui ont récemment bouleversé le pays. Expliquez, là. C'est le commerce du cacao qui permet aux autorités d'Abidjan d'acheter des armes. C'est aussi les revenus de la filière du cacao, exportés via le Togo voisin, qui explique pourquoi les rebelles du Nord peuvent toujours résister. Pour le plus grand bénéfice des grandes compagnies internationales, essentiellement nord-américaines, qui se satisfont parfaitement de cette situation. C'est-à-dire la division de fait de la Côte d'Ivoire en deux entités, les rebelles au Nord et les légalistes, loyalistes au Sud. Le deuxième poison du pays, c'est la question de l'identité nationale. Les successeurs de Fouette Boigny, à commencer par le premier d'entre eux, Henri Conan Bédier, ont ouvert une vraie boîte de Pandore. Une boîte où Fouette Boigny avait prudemment enfermé les questions ethniques, en soulevant le couvercle pour des raisons purement politiciennes. Oui, l'élimination là, du nordiste, Ouattara, du processus électoral. C'est ça. Ouattara, l'ancien premier ministre de Fouette Boigny, accusé de ne pas être authentiquement ivoirien. Donc, en soulevant ce couvercle, Bédier a réveillé les démons tribaux et jeté l'opprobre sur toute une catégorie de la population. Tous ceux qui n'ont pas été capables de faire la preuve de leur ivoirité. Les mauvais ivoiriens, comme on va les appeler. Tous ces étrangers appelés par Oufouette Boigny à venir travailler en Côte d'Ivoire. Et à qui le vieux avait donné des droits identiques à ceux des citoyens ivoiriens. La conséquence immédiate, c'est que les peuples islamisés du Nord se sont sentis solidaires de tous ces ostracisés et ont eu le sentiment d'être rejetés, eux aussi, par les sudistes. Bédier a donc réactivé les clivages tribaux et religieux. Et il a ensuite été imité par ceux qui se sont emparés du pouvoir. D'abord, le général Gueye. Ouais, c'est l'auteur du premier putsch qui ait connu la Côte d'Ivoire en 1999. Et il en sera de même pour Laurent Gbagbo. Gbagbo qui est arrivé à la présidence de la République par les urnes, lui, en 2000. C'est juste. Mais le scrutin a été boycotté par ses rivaux Bédier et Ouattara, empêchés de concourir. Et ça commence très mal. Le jour même où le président Gbagbo prête serment, deux jeunes partisans de Ouattara se mettent en marche vers le centre-ville d'Abidjan. Les gendarmes ivoiriens opèrent préventivement des rafles dans les bidonvilles et arrêtent des musulmans et des étrangers. Maliens, burkinabés, guinéens, etc. Mais dans une cour où habitent des Dioulas... Nusa, c'est une ethnie du Nord. Celle-là même d'où est originaire Ouattara. Ouais. Donc il se produit une rixe entre les gendarmes et les Dioulas. Et un gendarme est tué. Dès que la nouvelle est connue à l'état-major, les gendarmes décident de représailles. Un véritable massacre. 500 nordistes sont tués. On retrouvera les cadavres d'une soixantaine d'entre eux enterrés dans un charnier à Yopougon. Mmh. Et difficile après ça, pour Gbagbo, de prêcher la paix et la réconciliation. D'autant que peu après, Ouattara est interdit de participer aux élections législatives. Oui. Ce qui provoque de nouveaux heurts très violents entre ses partisans et les gendarmes. Désormais, dans la moitié nord du pays, les Ivoiriens évoquent ouvertement la partition du pays. Et c'est l'engrenage. Et Gbagbo, il faut bien le dire, ne fait pas grand-chose pour calmer le jeu. Quelques semaines plus tard, au début de 2001, des militaires d'Yula tentent un putsch. Ils échouent après une bataille de plusieurs heures qui les oppose aux gendarmes. Mais ils parviennent à s'enfuir au Burkina Faso. Bon, la suite, vous la connaissez aussi bien que moi. À l'automne 2002, c'est le succès des troupes rebelles dans le nord du pays. L'assassinat du général Gay, l'envoi de troupes françaises. Ouais, l'opération Licorne. Alors que le pays est maintenant coupé en deux. Et pourquoi, au fond, la France est-elle intervenue dans ce conflit ? Il y a d'abord le fait que l'ancienne puissance colonisatrice est liée à la Côte d'Ivoire par des accords de défense signés aussitôt après l'indépendance. Deuxièmement, il y a la présence en Côte d'Ivoire d'une importante communauté française ou franco-libanaise, près de 20 000 personnes. Qu'il s'agit de protéger. Bah, naturellement. Ouais. Mais c'est souvent un prétexte utilisé par les anciens colonisateurs hein, pour soutenir les pouvoirs en place. Et liquider les rébellions. Vous avez raison. Mais en l'occurrence, Paris fait preuve de prudence et se refuse à combattre directement les forces nouvelles, comme on choisit de s'appeler les rebelles nordistes. Ce que ne doit pas apprécier Gbagbo. Hein. Bien entendu, parce qu'il attendait de cette force Licorne qu'elle mette fin à la rébellion au lieu de simplement s'interposer entre les combattants dans une sorte de couloir, la zone de confiance. Peut-on parler de la position neutraliste de Paris ? C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en France, au sein même du gouvernement, il existe de nombreux désaccords. Enfin, je résume à grands traits. Hein. D'un côté, il y a un camp plutôt favorable à Gbagbo, et parmi ceux-là, il y a un chef de file, notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Ah oui. Et de l'autre côté ? Ben, on trouve le président de la République. Chirac. Hein. Oui, et son ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Essentiellement parce que Gbagbo, ancien militant maoïste, est proche des socialistes français et qu'il a toujours vivement critiqué la France-Afrique. Ouais. Et cette ambiguïté française se traduit-elle sur le terrain ? Oui, parce que selon les ordres qu'ils reçoivent ou les sympathies de leur chef, les soldats français adoptent des attitudes différentes. Ils empêchent par exemple les rebelles de progresser vers Yamoussoukro, la capitale administrative. Mais ils ne s'opposent nullement à une offensive de l'armée nationale qui essaie de reprendre la principale ville nordiste, Boaké. En tout cas, ça signifie que la force Licorne penche plutôt pour Gbagbo. Ben ça me paraît évident. Et pourtant, le président ivoirien en voudrait beaucoup plus. Pour lui et les faucons qui l'entourent. Les Français seraient d'abord là pour protéger les rebelles. Simplement parce qu'ils s'interposent. Et qu'il refuse d'appliquer au pied de la lettre les accords de défense qui lient les deux pays. De là à penser qu'ils sont de mèche avec les rebelles, il n'y a pas loin. Ouais, c'est ce que pensent en tout cas ces faucons. Et qui n'hésitent pas à accuser Paris de néocolonialisme. Et qui sont ces faucons alors ? Leur leader est incontestablement Simone Gbagbo. Ah, l'épouse du président. Ah, une femme qui ne se contente pas d'être une épouse, mais s'implique dans la vie politique et jouit d'une grande influence. J'ajoute que Simone Gbagbo a rejoint l'église évangélique et qu'elle a obtenu la conversion de son mari. Mais à côté d'elle, il y a aussi des personnages importants. Le président de l'Assemblée nationale et aussi Charles Blé Goudé, le jeune chef des Patriotes, un mouvement de jeunesse qui sera souvent soupçonné d'orchestrer les mauvais coups de la présidence. Un extrémiste. Et même selon les propos de l'ambassadeur de France, un fasciste. Et toujours dans cet aspect obscur du pouvoir ivoirien, il faut évoquer la création de véritables escadrons de la mort, recrutés dans les camps de réfugiés établis aux frontières. Des réfugiés de... Oui, des Libériens, par exemple, qui ont fui la guerre civile dans leur propre pays. Ces escadrons de la mort vont commettre des exactions de plus en plus nombreuses, y compris dans la capitale économique Abidjan. Telle est donc la situation au début de 2003. Ouais, c'est le blocage. Mais la France, qui se sent piégée, veut se sortir de ce bourbier. Le bouillant, Dominique de Villepin, tente de réunir les belligérants au cours d'une conférence de conciliation. Ce n'est pas sans risque. Hein. Au cours d'un déplacement à Abidjan, le ministre échappe de peu à un lynchage suscité par les jeunes patriotes. Et notez-le bien, c'est tout un symbole. Tandis que Villepin doit faire face à ses excités, Gbagbo et son épouse déjeunent tranquillement à deux pas de là avec l'un des piliers de la France-Afrique, l'avocat Robert Bourgi. rendez-vous avec X. Avant de reprendre le récit de Monsieur X, quelques mots sur Laurent Gbagbo, appelé familièrement en Côte d'Ivoire le boulanger, parce qu'il roule tout le monde dans la farine. Ou encore le Machiavel de la lagune d'Abidjan. Le journaliste de Libération, Thomas Hoffnung, auteur d'un livre intitulé « La crise en Côte d'Ivoire », rappelle d'abord que Gbagbo a été un opposant courageux lors du long règne d'Oufouette Boigny et qu'il a été plusieurs fois emprisonné. Il s'intéresse ensuite aux convictions religieuses du président. Quelques 20 ans plus tard, à l'instigation de Simone, qui semble avoir eu une révélation à la suite d'un grave accident de voiture en 1996, les époux Gbagbo ont adhéré à l'église évangélique américaine Four Square via sa filiale ivoirienne dirigée par le pasteur Moïse Coré. C'est à cette même époque que l'un des prophètes en vogue sur les bords de la lagune Ébrié, Papa Nouveau, prédit au chef du FPI un avenir présidentiel. Il le charge notamment de bâtir le royaume de Dieu et d'en barrer l'accès aux infidèles, à savoir le camp de Ouattara, lequel est alors qualifié régulièrement de créature satanique dans la presse proche de l'opposant. Gbagbo, l'ancien Mao, l'intraitable militant socialiste sous l'influence des prédicateurs. Une fois installé aux commandes du pays, le couple présidentiel organise en tout cas régulièrement des séances de prière au palais sous la houlette de Moïse Coré, un ancien businessman et ex-champion de basketball qui a eu une illumination et travaille désormais à convertir les âmes. La conférence de conciliation regroupant toutes les parties se déroule dans la région parisienne, à Marcoussis, en janvier 2003. On s'embrasse, on affiche sa bonne volonté, on signe des accords. Officiellement, le concept d'ivoirité est abandonné et Gbagbo s'engage à accueillir au gouvernement des représentants des rebelles. En outre, l'ONU accueille désormais sous son parapluie les 4500 soldats français déployés en Côte d'Ivoire, tandis que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest envoie 6000 hommes. Qui seront plus tard des casques bleus. On peut donc espérer que la paix va régner. En principe, oui. Mais en réalité, il n'en est rien. Et d'abord parce que le président Gbagbo n'a pas l'intention de respecter ces accords. Bien au contraire, il s'attache à les saper. Mais pourquoi alors? Parce qu'il n'a pas du tout envie d'abandonner ce pouvoir qu'il a mis si longtemps à conquérir. Et vous remarquerez qu'il est toujours président, bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles élections. Il regarde ce scrutin d'année en année. Oui, car il a parfaitement compris que si les accords de Marcoussis étaient réellement appliqués, ça permettrait à terme à ses adversaires de le détrôner légalement. Oui, dans les urnes. Alors comment procède-t-il? Il met d'abord en place un véritable gouvernement parallèle qui détourne les revenus de la ressource principale du pays. Ouais, le cacao. C'est cette instance officieuse qui est chargée en particulier d'acheter des armes et des équipements militaires. Et on verra bientôt à quoi cet armement servira. D'autre part, Gbagbo recrute massivement des jeunes de son ethnie dans des milices qui sont bien sûr à sa dévotion. Enfin, on va voir apparaître en Côte d'Ivoire des mercenaires et des conseillers israéliens qui mettent en place un service d'écoute. En même temps, le pouvoir multiplie les accusations contre la France. Ce qui, j'imagine, inquiète au plus haut point les ressortissants français. Et certains commencent d'ailleurs à partir. C'est aussi à cette époque, l'année 2003, que votre confrère de RFI, Jean Hélène, est abattu par un policier ivoirien. Après son arrestation, il avouera assez naïvement qu'il a cru bien faire. Mais il faut dire que la presse aux ordres du pouvoir est alors outrageusement francophobe. Et certains la compareront à la sinistre radio rwandaise d'Émile Collines, qui appelait quotidiennement au génocide. Et l'autre journaliste français, là, Guy-André Kieffer, là, qui va mystérieusement disparaître. En 2004, oui. L'affaire n'est officiellement toujours pas résolue. Mais il y a fort à parier que Kieffer a payé pour sa trop grande curiosité quant aux malversations qui entourent le commerce du cacao. Mais si vous le voulez bien, nous en parlerons prochainement. Quoi qu'il en soit, Gbagbo a sans doute compris qu'il était allé trop loin en approuvant ou peut-être même en suscitant cette campagne anti-française. et il éprouve un besoin soudain de se rabibocher avec Paris. Un besoin peut-être très intéressé. Oui, oui. En février 2004, le président ivoirien effectue un bref séjour dans la capitale française et rencontre naturellement Jacques Chirac et signe quelques contrats fructueux avec de grands groupes comme Bolloré ou Bouygues. Ah ben, les affaires continuent. Et malgré les aléas de la situation politique en Côte d'Ivoire, elles ne cesseront vraiment jamais. Aujourd'hui encore, toutes les entreprises de services sont aux mains de nos compatriotes. Mais je vais vite. Bien sûr, au cours de ce bref voyage à Paris, Gbagbo promet que le processus de Marcoussi est toujours d'actualité. Ouais, alors qu'il n'en est rien sur le terrain. C'est même si vrai que l'opposition s'impatiente et que ses partisans descendent dans la rue au mois de mars. Il s'ensuit une violente répression, et même à Abidjan, une véritable chasse aux Diola. C'est-à-dire les nordistes. Hein, et il y a de nombreux morts, oui. Des dizaines, peut-être même plus. Mais ni la force licorne, ni le contingent de l'ONU n'ont bougé pour mettre fin à cette tuerie. Une passivité coupable ? Je ne sais pas. En l'occurrence, je ne veux pas défendre la position de Paris, mais elle est délicate. D'autant qu'on vient de signer de beaux contrats. Certes, enfin. Mais il y a aussi la présence d'une communauté française nombreuse qui pourrait subir les conséquences d'un faux pas de la part de Paris. Mais ce sera le cas un peu plus tard. Et dans cette mesure, on peut dire que ces Français de Côte d'Ivoire jouent le rôle d'otage, oui. Même si ce mot est trop souvent galvaudé, surtout quand il est employé par des usagers lors d'une grève des transports. Mais enfin, c'est un autre sujet. Eh ben, dites-moi. Enfin, si je comprends bien, Paris ne veut surtout pas envenimer la situation. Et fin de faire confiance à Gbagbo qui, si j'ose dire, doit remettre son titre en jeu en 2005. Ouais, la prochaine est l'échéance électorale. Ouais. Et pourtant, d'ores et déjà, il apparaît que le président ivoirien fera tout ce qu'il peut pour retarder ce scrutin. Il a d'ailleurs annoncé que dans ce cas, il resterait au pouvoir. Il faut aussi ajouter qu'en ce même printemps 2004, on assiste à de féroces combats entre factions rivales dans les territoires contrôlés par les rebelles. Et là encore, sur ordre, les militaires français n'interviendront pas pour interrompre ces massacres. Pourtant, 3 mois plus tard, on se met à nouveau à espérer. Que se passe-t-il alors ? Sous la pression de Paris, un nouveau sommet réunit les belligérants, à Accra, au Ghana. Mais malgré un accord qui prévoit un désarmement des forces nouvelles en octobre, il est clair que rien n'est réglé et que Gbagbo n'a pas renoncé à réduire la rébellion par la force. Et Paris le sait ? J'en suis persuadé, et depuis longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Les autorités françaises sont même si bien informées qu'avant l'offensive des forces armées ivoiriennes, début novembre, Chirac donne un coup de fil à Gbagbo et que, pardonnez-moi l'expression, il l'engueule sérieusement, mais rien n'y fait. L'opération Dignité, c'est son nom de code, est déjà sur le point de démarrer. Alors comment et pourquoi Paris était-il au courant ? Ici, il faut que je vous parle d'un curieux personnage. Un certain Robert Montoya. Ah oui, c'est un ancien gendarme français. C'est ça. Un type qui a autrefois appartenu à la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée sous Mitterrand. Ouais, qui a surtout mis sur écoute un certain nombre de personnalités sous prétexte de protéger la vie privée du président français. Hein. En effet, Montoya, gendarme d'élite du GIGN, compromis dans cette affaire de plombier, a opéré une spectaculaire reconversion de carrière. Dès 1987, il choisit de s'installer en Afrique, au Togo plus précisément. Et que va-t-il y faire alors ? Il y monte une société de sécurité, et grâce à l'entregent de quelques personnalités, telles que Jeannot Lacaze, l'ancien chef d'état-major de l'armée française, il gagne la confiance du président togolais. Et il y a des mains. Oui. Ça se passe même si bien pour Montoya qu'il devient son conseiller en matière de sécurité. Et il y a des mains qui n'étaient pas pourtant un modèle de démocrate. Hein. Il est même arrivé au pouvoir en assassinant son prédécesseur, oui. En tout cas, fort de la protection du dictateur togolais, Montoya fait rapidement son trou et crée société sur société. Il recrute des mercenaires ou d'anciennes barbouzes, propose ses services à d'autres dirigeants africains et surtout, il commence à s'intéresser au trafic d'armes. Ouais, c'est un secteur très lucratif. Hein. Et qui va prendre une dimension nouvelle avec l'implosion de l'Empire soviétique. Ouais, et la dispersion d'une partie de son formidable arsenal. Et l'habile Robert Montoya a très vite compris qu'il y avait là la possibilité d'excellentes affaires. Il va en particulier devenir le représentant de commerce en armes d'une ex-république soviétique, la Biélorussie. À titre officieux, j'imagine. Bien sûr. Mais, et c'est là où je veux en venir. Un trafic semblable organisé par un ancien gendarme français qui a de nombreux contacts avec des gens proches des services de renseignement ne peut très longtemps échapper à la vigilance de ces mêmes services secrets. Et Paris n'a pas pu ignorer très longtemps que Montoya avait pris contact avec le président ivoirien. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Arrêtons-nous un instant sur Montoya et ses activités. Voici ce qu'on peut lire dans le livre de Laurent Léger, Trafic d'armes, à propos de l'ancien gendarme. Sur le continent noir, où il s'est installé en 1987, il n'a plus rien du lampiste de base. Fini la petite vie de fonctionnaire, basé au Togo, à Lomé. Montoya a bâti au fil des ans un petit empire dont les frontières vont jusqu'en Biélorussie, en Lettonie, en Afrique du Sud, bientôt en Algérie. Armes, entraînement de troupes, aéronautique, sécurité, secteur bancaire. Début 2004, il a acquis en Lettonie 0,4% du capital de la principale banque du pays, la Parex. Télécommunications, produits tropicaux, éditions. L'ex-fonctionnaire français cumule les business. Il frappe directement à la porte des chefs d'État. Son groupe, il l'a édifié avec des collaborateurs qui ont, eux aussi pour la plupart, appartenu à l'armée française. C'est ce qui ressort des nombreux rapports et synthèses, dont certains estampillés secret défense, que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur ont consacré à l'ex-gendarme Montoya. Ils ne sont qu'une poignée de Français sur plusieurs centaines d'employés locaux, mais ce sont les principaux cadres, flirtant à peu près tous avec la cinquantaine, l'âge du capitaine. Donc, si je vous ai bien entendu, les activités de Robert Montoya sont connues des services français. D'autant plus que le genre d'officine que dirige l'ancien gendarme peut à l'occasion être utile. Ouais, la France-Afrique, toujours. Toujours, oui. Par conséquent, à Paris, on sait assez vite que Montoya a approché le président Gbagbo. Il sera même devenu son conseiller technique. Pour les affaires de sécurité. Et les affaires militaires. Montoya dispose alors d'un passeport diplomatique ivoirien. Naturellement, il est bien placé pour vendre des équipements militaires à son nouveau client. Oui, Gbagbo a besoin d'armes. Pour tous les observateurs sérieux, il est évident qu'il veut les utiliser pour venir à bout de la rébellion des Nordistes. Alors, concrètement, là, qu'achète-t-il par l'intermédiaire de Montoya là ? Avec l'argent détourné du cacao, je vous le rappelle. Oui. Le détail, bah, écoutez, le voici, il est assez impressionnant. Deux hélicoptères d'attaque Mi-24, des engins assez redoutables. Puis, quatre avions d'assaut, Sukhoi 25, des appareils d'une technologie ancienne, mais qui peuvent être mortellement efficaces. Surtout quand ils n'ont pas redouté un affrontement avec des avions ennemis. Mais ce n'est pas tout. Dans le paquet cadeau de Montoya, il y a aussi des véhicules terrestres, camions et jeeps. Mais de quoi équiper alors, nombre de soldats ivoiriens hein. Et je ne parle pas des munitions et des armes individuelles qui sont également livrées. En outre, Montoya fournit à l'armée ivoirienne une assistance technique, une vingtaine de pilotes et de mécaniciens originaires des pays de l'Est. Des mercenaires, par conséquent. Absolument. En tout cas, vous l'admettrez, on n'achète pas autant de matériel militaire pour laisser dormir dans les hangars. Ah, donc il est évident que Gbagbo va passer à l'offensive. À Paris, on en est sûr. D'où le coup de fil furibard de Chirac à son homologue ivoirien. Oui, mais Gbagbo, il ne l'écoute pas. Hein. Et le 4 novembre au matin, son armée passe à l'attaque. Ce sont d'abord les Sukhoi qui sont engagés et effectuent des bombardements manifestement destinés à terroriser la population civile du territoire rebelle. Puis les forces terrestres avancent. Ouais, mais il leur faut entrer dans la zone de confiance, là où sont cantonnés les militaires français. Ça pourrait mal se passer. Toutefois, les forces d'interposition françaises ne bougent pas. Elles ont des ordres. Forcément. Et le commandement français prétexte qu'il attend d'être missionné par l'ONU. Quoi qu'il en soit, pour les forces nouvelles, cette passivité ressemble à un feu plus ou moins vert accordé à l'armée ivoirienne. D'autant que le contingent marocain des casques bleus, lui, bloque l'avancée des forces de Gbagbo. Ah oui, alors c'est donc la confusion. Et les dissensions qui existent au plus haut niveau à Paris n'arrangent rien. En tout cas, ça signifie que Gbagbo est loin de pouvoir conquérir la capitale des rebelles, comme il l'a annoncé au début de l'opération Dignité. Et c'est donc déjà là tout de suite un échec. Et c'est dans ce contexte que va intervenir le drame de Bouaké. Alors racontez précisément. Là. On est alors le 6 novembre. Deux jours seulement après le début de Dignité. Là. Oui, dans le camp français de Bouaké, les soldats sont sur le pied de guerre, mais ils ne sont pas particulièrement inquiets. D'autant que le site, un ancien lycée, est signalé par un grand drapeau tricolore peint sur le toit. Le matin, les Sukhoi ont procédé à de nombreux bombardements. Aussi dans le camp, on n'est pas étonné d'observer à la mi-journée le retour de deux Sukhoi dans le ciel de Boaké. Et effectivement, l'un de ces appareils attaque un camp rebelle voisin, tandis que l'autre survole les installations françaises à basse altitude. Donc il a certainement vu le drapeau français. Hein. C'est évident. Mais ça paraît incroyable, le Sukhoi, après avoir effectué ce passage, reprend de l'altitude, vire et se place dans l'alignement du camp français. Puis il descend en piqué et largue deux paniers de roquettes sur le bâtiment. Le bilan, vous le savez, est particulièrement lourd. 9 soldats et un humanitaire américain sont tués et on compte des dizaines de blessés. Alors l'attaque était, si je vous ai bien écouté, l'attaque était délibérée. Oh ben, j'en suis persuadé, même si ensuite les autorités ivoiriennes ont évoqué une bavure. Alors, avant de vous proposer une éventuelle explication, voyons la suite. À Paris, l'Élysée est bien entendu aussitôt informé. Et Chirac décide de représailles. Très vite. Chirac donne l'ordre de détruire les deux Sukhoi dès qu'ils auront regagné leur point de départ, l'aérodrome de Yamoussoukro. Ce qui se passe. Les pilotes ont à peine quitté leurs appareils que les militaires français tirent des missiles sur les Sukhoi qui sont coupés en deux. Et un mécanicien ivoirien qui ne s'était pas suffisamment écarté est tué. Il n'y a pas de riposte ? Si, si. Un hélicoptère Mi-24 attaque. Mais les soldats français lui opposent un feu nourri. Et touché, l'appareil doit aller se poser à l'écart. Mais ce n'est pas fini. Et la vengeance française n'est pas encore assouvie. C'est ça. D'autres appareils Sukhoi, hélicoptères et même un drone sont détruits, tant à Yamoussoukro qu'à Abidjan. Bref, c'est toute l'aviation militaire ivoirienne qui est anéantie. Et là encore, c'est Chirac qui a donné l'ordre. Il semble bien, ce qui n'exclut pas quelques initiatives prises par le commandement français sur place. Et au fond, peu importe, Paris assumera la responsabilité de toutes ces destructions. Toutefois, vous le pensez bien, ces représailles suscitent de violentes réactions dans le camp des partisans de Laurent Gbagbo. Avant même que les appareils basés à Abidjan ne soient détruits, des éléments de l'armée et des manifestants attaquent les militaires de la force Licorne. Ceux-ci ripostent et il y a des morts. Et puis, la rue va s'enflammer. Il ne pouvait en être autrement. Ce sont les jeunesses patriotes de Charles Blé Goudet qui sont à la manœuvre. Un peu partout dans Abidjan, les intérêts français sont visés. Des villas, des installations, des bâtiments scolaires sont pillés. Et on assiste à de véritables combats de rue entre les militaires français et la foule des émeutiers. Et si je me souviens bien, ça va durer plusieurs jours. Hein. 3 jours, exactement, jusqu'au 10 novembre. Et tandis que la France achemine des renforts pour venir en aide à la garnison française d'Abidjan, les militaires de la force Licorne commencent à procéder au rapatriement d'urgence des expatriés français. Et quelle est la réaction du gouvernement ivoirien alors ? La télévision, Gbagbo appelle ses partisans au calme. Mais en même temps, il ne les désavoue nullement. Double jeu. Ça y ressemble. Et là, il faut situer un curieux incident qui n'est peut-être pas tout à fait le fruit du hasard. Expliquez-moi. Le soir du 7 novembre, une colonne de blindés français entre dans Abidjan. Ces militaires viennent de Boaké. Boaké, ce sont donc des camarades des morts du bombardement. En effet. La colonne qui doit rejoindre l'hôtel Ivoire fait une erreur d'aiguillage. Et elle avance tout droit vers la résidence du président Gbagbo. Et vous avez des doutes sur cette erreur de direction ? Oui, car cette manœuvre, si elle ne résulte pas d'une erreur, aurait eu deux objectifs possibles. Soit faire peur à Gbagbo et l'inciter à calmer au plus vite ses troupes, soit, je ne suis pas le seul à le penser, le démettre purement et simplement. Mais vous le savez, la colonne s'est arrêtée à temps. Alors ça veut dire que Paris a eu peur d'aller jusqu'au bout ? C'est très probable. Car étant donné la situation insurrectionnelle qui prévalait à Abidjan, l'affaire aurait peut-être dégénéré en bain de sang. Et d'ailleurs, peu après, autour de cet hôtel ivoire, assiégé par les manifestants, les soldats français devront tirer à balles réelles pour se dégager. Alors, venons-en maintenant à l'explication possible de la tragédie de Boaké. Je vous ai dit que je ne croyais pas à la bavure. Par conséquent, le pilote du Sukhoi a bombardé intentionnellement le camp français. Mais qui lui a donné l'ordre ? C'est en effet la question essentielle. Certains ont émis l'hypothèse que les faucons de l'entourage présidentiel, très anti-français, auraient pu être les commanditaires. En doublant Gbagbo, donc ? Oui, mais je n'y crois guère. Gbagbo tient bien son petit monde en main et c'est un Machiavel de premier ordre. Alors, ce sera lui. Mais pourquoi ? Le président ivoirien a très vite compris qu'il ne réussirait pas à vaincre militairement les rebelles du Nord. Le bombardement de Boaké a peut-être été une manœuvre de diversion. Quoi, en détournant la colère du peuple sur les Français ? Oui, car il ne pouvait ignorer que Paris ne resterait pas sans réagir. Mais Si c'est vrai, ça lui a quand même coûté l'anéantissement de sa force aérienne. Sans doute, mais il a repris la main en orchestrant cette campagne anti-française. Et notez-le bien, il est toujours au pouvoir, car il a réussi d'année en année à repousser l'élection présidentielle. Et ce n'est pas un mince exploit. On parle quand même d'élections là, pour la fin du mois d'octobre. Oui, mais enfin, pour revenir à Boisquet, des hommes savaient forcément la vérité. Bah oui, les pilotes mercenaires. Et parmi lesquels des Biélorusses, des Ukrainiens et même des Russes. Eux seuls étaient à même de dire qui leur avait donné l'ordre d'attaquer le camp français. Mais manifestement, Paris ne voulait pas savoir. Écoutez bien. Le 6 novembre, un premier contingent de mercenaires, une quinzaine d'hommes, est arrêté par les militaires français sur l'aéroport d'Abidjan. Ils sont retenus quelques jours, photographiés, sommairement interrogés, puis relâchés sur l'ordre de l'état-major. Oui, j'imagine qu'ils s'empressent de quitter la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Dix jours plus tard, 8 autres mercenaires sont appréhendés à la frontière togolaise. Parmi eux, il y a le pilote du Sukhoi qui a bombardé Boisquet. Les Togolais proposent de les remettre aux autorités françaises, mais Paris ne donne pas suite. Et les mercenaires sont relâchés. Alors pourquoi ? La raison d'État. Paris ne voulait pas envenimer ses rapports avec Gbagbo, qui était déjà exécrable. Ah oui, car s'il avait été interrogé, le pilote aurait pu donner le nom du véritable donneur d'ordre du bombardement. Et vous imaginez les conséquences si Gbagbo avait été directement désigné. La semaine prochaine, nous restons en Côte d'Ivoire avec un nouvel entretien consacré à la mystérieuse disparition du journaliste Guy-André Keffer. Deux livres pour terminer, de Thomas Hoffnung, La crise en Côte d'Ivoire aux éditions de La Découverte, et de Charles Maisonneuve, Le bourbier ivoirien chez Privat. Enfin, et ça n'a rien à voir avec ce qui précède, je vous recommande à vous tous qui êtes passionnés par l'histoire la lecture d'un ouvrage coédité par France Inter et présenté par mon ami et voisin d'antenne, Patrice Gélinet, Le journal des Français dans la guerre, un véritable almanach qui permet de revivre la guerre 39-45 jour après jour. Rebecca de Nantes a préparé cette émission, Michel Billou l'a réalisée, Monsieur Djoub l'a mise en musique tout de suite. Après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.